ce soir, Ringo Starr. Et même si ce soir, Olivier Messiaen. Et même si ce soir, David Griffiths. Même si ce soir, Fernandel. Moi, ce que je veux, c'est tes bras. Moi, ce que je veux, c'est toi. Et même si ce soir, Serge Gainsbourg. Et même si ce soir, J.K. Witt. Moi, ce que je veux, c'est tes bras. Moi, ce que je veux, c'est toi. Ce soir, tous les artistes du monde, et même s'ils me tendent la main, moi ce que je veux par-dessus tous ces tes bras, moi ce que je veux, c'est toi. Elle est belle à la fin, elle est belle. Elle est sortie plus mes doigts. Oui, bien sûr, va boire la baie. Oui.